dans le matin que la terre est basse, quand il faut quitter sa paillasse pour monter dans le tram, hélas. Lorsque le temps est dégueulasse, il faut quand même aller en classe, partir la mort dans la mélasse. T'auras beau changer de place, à te suivre la mélasse, avec toi elle se déplace, c'est bien là le drame, hélas. Le bon Dieu a tiré la chasse, il tombe des tonnes de mélasse, que tu bosses, que tu chômes, hélas. Il n'est plus temps que tu te prélasses, ni tu t'admires dans la glace, tu dois quitter ton home, hélas. T'auras beau changer de place, à te suivre là, mais hélas, avec toi se déplace, si bien là le drame, hélas. Au bureau, derrière la grande glace, tu vois même pas la terrasse, pour te réchauffer, tu bois des tasses. Les latins n'aiment les palaces, elles engluent la populace, comme les amants qui s'aiment, hélas. T'auras beau changer de place, à te suivre là, hélas. Avec toi elle se déplace, c'est bien là le drame, hélas. On est trempé comme des limaces, on est d'une humeur fumasse, et on risque le rhume, hélas. Le soir, on rentre, et quoi qu'on fasse, on boit la soupe à la grimace. Le corps est mort, et l'âme, hélas. T'auras beau changer de place, elle te suivra là, mais hélas. Avec toi, elle se déplace, c'est bien là le drame, hélas.